pas exploser. Citation d'un mec mal tombé. Un feu de camp, une vue sur la mer. Un piège à ours dans la max éclair. Un viewer me dit t'es fou. Mais dans Russe, le chill c'est un coup. Détente et détonation. Je loot avec modération. Mais si tu t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. Détente et détonation. Je loot avec modération. Mais si tu t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. C'est la mitraille dans ta tronche. Plein de pièges, une radio qui grésille en beige. Les viewers dansent, le loot est bon. Et le mineur saute avec émotion. Russe l'été c'est comme un spa. Sauf que t'manges des roquettes à trois. Mais Riders qui elle reste zen. Même quand ça pète il freine. Détente et détonation. Joute avec modération. Ou si tu t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. Détente et détonation. Avec modération, mais si tu t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. Détente et détonation, détente et détonation, détente et détonation, détente et détonation, détente et détonation, détente et détonation. Approche du lion, c'est la mitraille dans ta tronche.